Pris sur le vif. Écoutez. Salut. Que faites-vous? Nous travaillons. Nous avons un examen demain. Quel examen? Un examen d'histoire. Je vais au tennis. Venez aussi. Hélas non. Nous n'avons pas le temps. Travaillez bien. Répétez. Salut. Que faites-vous? Nous travaillons. Nous avons un examen demain. Quel examen? Un examen d'histoire. Je vais au tennis. Venez aussi. Hélas non. Nous n'avons pas le temps. Travaillez bien. Écoutez. Allô, Françoise? Bonsoir. Ici la maman de Jeanne. Bonsoir, madame. Demain, c'est l'anniversaire de Jeanne. Je t'invite avec Paul. Venez dîner. Avec plaisir. Oh, merci. J'accepte volontiers. Alors, à demain soir. Je téléphone maintenant à Paul. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et encore merci. Répétez. Allô, Françoise? Bonsoir. Ici la maman de Jeanne. Bonsoir, madame. Demain, c'est l'anniversaire de Jeanne. Je t'invite avec Paul. Venez dîner. Avec plaisir. Oh, merci, j'accepte volontiers. Alors, à demain soir. Je téléphone maintenant à Paul. Bonsoir. Bonsoir, madame, et encore merci.